Jean Lijnjandès, des changements de la bergère Iris, second chant. Avec son discours, ses esprits, afin donc, dit-il, de poursuivre. Tout aussitôt que je la vis, et moi-même, je fus ravi, et dès lors, cessait de vivre. Mon Dieu, que vis-je en la voyant? Je vis un éclair flamboyant lancé de ses vives prunelles. Un irait où l'amour animé, lui-même, cesse-toi, enfermé, l'ayant peiné de ses ailes. Je vis sa bouche où les œillets se met sur les bords. Semble fleurir pour sourire, m'advertir par un doux sourire que l'amour te noie en iris. Son empire. Alors, je m'écriai soudain, avec un généreux desdain, beauté qui d'une vaine flamme, ayez dans moi l'amour couvé. Puisque ce soleil est levé, vous n'êtes qu'une ombre en mon âme, vos flammes, vos foibles beautés, semblent à ces petites clartés qui rendent l'aurore un peu claire, signe que bientôt un soleil de voix faire entrant par mon œil et mon cœur sa sphère ordinaire. Donc est-ce amour puisque tu veux que je fasse